Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Amandla. Mélanie Lamonde au micro. Ce soir, comme invitée, Christine Paré. Elle est militante impliquée dans le dossier Justice pour Sankara au GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Et elle lutte contre l'impunité au Burkina Faso. Nous allons, comme sujet aujourd'hui, traiter du Burkina Faso. Alors, ce mercredi 23 septembre, tour de force du peuple burkinabé, on a eu l'annonce que le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a été officiellement réinstallé à la tête du pays en présence de chefs d'État de la région, une semaine après une tentative de sabotage du processus de transition. Le premier ministre de la transition également, Isaac Zida, a été rétabli dans ses fonctions et il a évoqué un report de plusieurs semaines des élections qui étaient initialement prévues ce 11 octobre prochain. Alors, de fait, des scrutins présidentiels et législatifs devaient clore la période de transition ouverte après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire en octobre 2014. Alors, en introduction, nous allons revenir sur une petite mise en contexte pour retracer les événements qui nous ont menés jusqu'à aujourd'hui. À moins d'un mois des élections devant mettre fin au régime de transition, des militaires du Régiment de sécurité présidentielle, nommé le RSP, ont tenté de saboter le processus de la transition civile suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso. En prenant en otage le 17 septembre dernier les membres du pouvoir exécutif et du gouvernement, dont le président Michel Kafando et le premier ministre Isaac Zida. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce 23 septembre, une semaine plus tard, le président de la transition au Burkina Faso a été officiellement réinstallé à la tête du pays, le premier ministre de transition aussi. Et on annonce le report des élections qui devaient avoir lieu ce 11 octobre prochain. Alors, en octobre 2014, le 28 octobre 2014 de l'an dernier, dans les rues de Ouagadougou, le peuple est dans la rue. Il répond à l'appel de l'opposition pour dire non à la modification constitutionnelle qui était voulue par l'ancien régime Compaoré, qui souhaitait à l'époque poursuivre un cinquième mandat après 27 ans au pouvoir. Alors, en 72 heures, le pays est en pleine insurrection populaire et compte déjà ses martyrs. Le président Compaoré cède alors à la volonté du peuple et il quitte le pouvoir. Déchu, l'armée prend les rênes du pays. Les hauts gradés soutiennent le lieutenant Isaac Zida, le numéro 2 de la garde présidentielle du moment. Alors, le 17 novembre 2014, Michel Kafando, un diplomate, est nommé président intérimaire par une instance composée de civils et de militaires. Et Isaac Zida devient ainsi chef du gouvernement et ministre de la Défense. Les autorités de la transition opèrent une purge complète au sein du palais présidentiel et de l'armée. Et c'est alors que le général Diène Déré, ancien chef d'état-major de l'ancien régime, est démis de ses fonctions. Alors c'est lui, l'ancien chef d'état-major, qui a pris en otage le palais présidentiel de connivence avec les membres du régime de sécurité présidentielle, le RSP. Pour entrer dans la contextualisation, en février 2015, le peuple burkinabé était de retour dans la rue en réclamant avec insistance la dissolution de ce régiment de sécurité présidentielle, le RSP, qui est considéré comme un vestige dangereux de l'ancien régime. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi, à la lumière de la conjoncture récente, on peut avoir un tel propos? Oui, merci Mélanie, merci de m'avoir invitée. Bon, effectivement, c'est pas uniquement en février, parce que quand en octobre, le 31 octobre, le peuple a pu chasser Blaise Compaoré, qui après 27 ans de pouvoir, comme vous l'avez dit, a fui. Donc, il y avait une certaine désorganisation. Donc, ça a surpris autant la société civile, les partis politiques et tout le monde. Donc, ça fait comme le pouvoir était resté vacant. Et donc, rapidement, les gens du RSP de son régiment se sont, avec l'appui de Guenguéré, qui est son bras droit depuis 87, donc depuis l'assassinat de Thomas Sankara. C'était lui, et selon les dires, c'est lui qui a tiré sur Sankara. Donc ils ont pu s'organiser rapidement et puis faire sortir Zida, que les gens ne connaissaient pas, qui était le numéro 2, comme vous l'avez dit, du régiment, qui est parti à la place de la Révolution rencontrer les insurgés et puis se présenter comme un révolutionnaire en disant, bon, toutes les décisions vont se prendre à la place de la Révolution. Et comme les gens ne le connaissaient pas, donc ils l'ont acclamé. Et ça, c'était la ruse de Guenguéré, parce que lui-même, en ce moment, ne pouvait pas prendre le pouvoir, donc il est venu. Donc quand les gens se sont rendus compte que c'est quelqu'un du régiment du RSP, du régiment de sécurité présidentielle, que tout le monde dit qu'ils sont impliqués dans les assassinats, dans les tortures et puis bon, plein de choses qui se sont passées, des crimes de sang qui se sont passés. Donc les gens étaient indignés, mais on était déjà devant le fait accompli, ils avaient le rapport de force. Bien que ce soit la rue qui avait chassé Blaise, donc eux, ils ont pu prendre. Donc c'est là qu'ils sont arrivés à s'installer. Et ensuite, maintenant, donc par les superflus, ils sont venus, on a dit, bon, il faut proposer des présidentiables. Donc ils sont arrivés, ils sont venus avec la candidature de Kafando. Et Kafando, et puis avec Joséphine Ouédraogo. Et au niveau de la société civile aussi, ils ont présenté deux personnes. C'était Shérif Chi, et puis l'évêque de Bobo, de Paul Ouédraogo, qui ne pouvait pas, qui disait que lui n'allait pas, c'est pas son mandat d'assurer la transition. Donc finalement, la société civile s'est retrouvée avec un seul candidat qui est Shérif Chi, qui est présentement le président du Conseil national de la transition, une sorte d'assemblée nationale. Donc, OK. Donc à partir de là, les gens ont commencé à écrire pour dire non, il faut que ces gens quittent le pouvoir parce qu'ils sont mêlés à, ils ont maintenu Blaise au pouvoir, donc il faut qu'ils quittent. Mais comme ils avaient le rapport de force, donc on n'a pas. Moi-même, j'ai écrit en novembre pour dire qu'ils n'avaient pas leur place là-bas. Et ensuite, il paraît que leur premier acte, parce que Blaise avait l'habitude de corrompre les gens, de les corrompre aussi, et puis de leur donner des privilèges. Donc le 30 décembre, ils sont partis enlever le Zida parce qu'ils n'avaient pas donné leur prime de décembre. Donc comme c'était pendant les fêtes, donc c'est passé inaperçu. Et ensuite, ils ont récidivé en février, comme vous venez de le dire, pour dire que bon, ils sont partis l'enlever encore pour dire bon, ils voulaient l'enlever et puis il paraît qu'ils voulaient le tuer. Bon, ça, c'est ce que les gens disent. Donc, il était obligé de fuir pour aller chez le chef des Moussi, se réfugier. Et puis là, les gens sont sortis. On a dit trop, c'est trop là. Ça fait la deuxième fois que vous interrompez le processus. Donc, il faut arrêter, il faut dissoudre ce régiment qui est vraiment un danger pour le peuple. Comme moi-même, je l'ai écrit, plusieurs autres l'ont écrit, mais malgré nos protestations, on n'a pas pu le dissoudre, le président n'a pas eu le courage, Kafando n'a pas eu le courage de le dissoudre, donc on en est arrivé là en novembre, en février. Ensuite encore, le 28 juin, c'était la même chose, et là ils ont exigé que tous les militaires quittent le pouvoir et que Zida n'est plus leur représentant, et puis donc ils ont manifesté. Et la crise était grave parce qu'ils accusaient Zida de vouloir faire un coup, de vouloir prolonger la transition. Zida les accusait de vouloir faire un coup d'État parce que Zida revenait d'une mission et puis il était obligé d'aller atterrir ailleurs le 28, soit disant qu'on voulait lui faire un coup d'État. Et puis bon, et suite à ça, ils ont dit que non, Zida mentait et puis donc c'était pas vrai. Bon, finalement, ça s'est avéré avec ce coup-là. Donc, il y a eu plusieurs crises de ces éléments-là. Personne d'autre n'a perturbé la transition si ce n'est pas les éléments de la sécurité présidentielle. Donc, malgré qu'on dise de les dissoudre, donc, les gens n'avaient pas le courage parce qu'on disait qu'ils étaient hautement armés. Et leur dernier forfait, c'était le 16, le mercredi passé, en plein conseil de ministres. Ils sont partis et kidnappés, arrêter le conseil de ministres, prendre le président et puis le premier ministre et puis deux autres ministres. Et puis bon. Donc c'était la énième fois, je pense, c'était la goutte d'eau. Et puis le 17, curieusement, on dit que c'est un coup d'État parce que les gens pensaient que c'était encore leur saut d'humeur. Et le 17, là, on dit que c'est un coup d'État et que les gens attendaient, mais qui est derrière ce coup? Donc les noms circulaient. Et puis finalement, Guenguéré, qui a toujours été de l'ombre, qui était le numéro 2, qui était impliqué dans tout, finalement, c'est lui qui se proclame chef de l'État. Et puis bon, donc on est à cette situation. Et la semaine dernière, heureusement que le peuple burkinabé ne s'est pas laissé faire et on est descendu dans la rue et puis bon, on a manifesté partout. Et pour une première fois, le Burkinabé se sont réconciliés avec eux-mêmes et il y a eu l'unité d'action et puis c'est ça qui a permis à ce qu'on libère notre peuple et que et le président Kafando et puis tout son gouvernement puissent être réinstallés aujourd'hui. Et à qui profite, selon vous, cette déstabilisation des institutions qui sont déjà fragiles dans le contexte post-insurrectionnel? À qui profite? D'abord, ça profite aux gens de l'ancien régime, au CDP, donc le parti de Blaise Compaoré, et puis à Blaise Compaoré lui-même, et puis à tous ceux qui tournaient autour de lui, et puis aux éléments du RSP qui veulent garder leurs privilèges. Et les gens de Blaise, les militants ou bien les militants de son parti CDP qu'on a chassés et qui ne sont plus aux affaires. Donc, c'est eux qui voulaient venir parce que, comme moi, j'ai toujours dit, le bras politique, c'était le CDP. Donc, le bras armé, c'était le RSP. Et je disais toujours, tant que le RSP ne sera pas démantelé, il n'y aura pas de paix. Parce que c'était vraiment des gens dangereux puisqu'on disait qu'ils étaient surarmés, qu'ils étaient... Donc, ils terrorisaient vraiment tout le monde. Les journalistes, on a vu, ils ont cassé les organes de presse, ils ont menacé des gens. Donc, tous ces gens-là, donc ce crime-là, cette perturbation-là, ça ne peut que profiter au CDP et aux gens qui soutiennent Blaise et puis qui rêvent que de le voir venir. La preuve est que quand le coup d'État a été annoncé, ceux qui ont fait sortir un communiqué pour le soutenir, c'est son parti et puis ceux qui se disaient du Front républicain qui soutenaient Blaise dans sa volonté de modification de l'article 37. Ce sont les mêmes qui les ont soutenus. Donc, ça ne peut... Et ensuite, au RSP qui veut garder ses privilèges et à Dinguerre qui est impliqué et certains éléments du RSP aussi qui sont impliqués dans des crimes et de sang. Donc, notamment l'affaire Sankara. Et curieusement, il paraît que le 17, on avait convoqué les avocats de la famille Sankara pour venir remettre les résultats des tests. Donc, on savait, tout le monde sait que Dinguerre était impliqué, puisque lui-même, il a dit qu'il était là-bas le jour de l'assassinat, et il disait même que Sankara avait voulu tirer le premier, et puis donc, eux, ils se sont défendus. Donc, il y a un lien. Lui, voulant l'impunité, qu'il ne soit pas devant la justice, et ses camarades qui sont impliqués aussi, et puis plus leurs privilèges, et les gens de l'ancien régime qui veulent revenir au pouvoir. Donc, au regard de la lutte contre l'impunité au Burkina Faso, ça soulève des enjeux nombreux, cette conjoncture politique. Oui, ça soulève beaucoup d'espoir aussi, parce qu'on s'est dit quand même on a pu mettre hors d'état de nuire Dinguerre, et puis ce que j'ai appris, le RSP sera démantelé, ce qu'on demandait depuis longtemps. Donc c'est décidé maintenant, ce régime de sécurité ou bien d'insécurité sera démantelé complètement. Et donc ceux qui avaient peur qu'ils pouvaient les assassiner ne pourront plus avoir peur, j'espère, et que tous les dossiers pendants, les dossiers de Sankara, de Norbert, d'autres personnes qu'on a, du juge Nébier qu'on a assassiné, et tous les gens, parce qu'il y a plein de crimes, des gens qu'on a assassinés, qu'on ne connaît même pas encore, moi je ne connais pas exactement le nombre, j'espère que les juges, puisqu'ils ne seront plus intimidés, j'espère, et que ces dossiers pourront aller de l'avant, et que même les crimes économiques aussi, qu'on puisse aller de l'avant. On le souhaite. Quelles sont vos revendications précise pour que le processus de transition puisse être achevé en traduisant les aspirations du peuple burkinabé? Oui, la transition est presque à la fin. Comme vous venez de le dire, c'était les élections étaient prévues le 11 octobre. Donc, c'est que le chantier qui reste, ce n'est plus la transition qui puisse faire ça. Donc, et c'est normal avec l'interruption d'une semaine et puis ensuite il y a cette déstabilisation. Donc les élections vont être reportées peut-être de 2 semaines ou 1 mois, je ne sais pas. Mais donc tous les dossiers pendants, nous on voudrait quand même que le nouveau régime qui va venir, étant donné que les Burkinabés ne se laisseront plus faire et leur aspiration c'est la justice, et que ce régime, le nouveau régime qui va venir ne pourra rien, n'aura pas le choix. Et on va les forcer à continuer pour qu'il y ait justice pour tous les gens qu'on a tués et que les crimes économiques aussi, que les gens puissent répondre de leurs forfaits. Et j'entendais ou bien je lisais aussi que Dinguerre dit qu'il se met à la disposition de la justice, mm-hmm. que on puisse l'arrêter, qu'il puisse répondre de tous les crimes qu'il a faits. J'espère que vraiment que aucun juge ne va avoir peur et que réellement les gens vont l'arrêter et qu'il puisse répondre et que tous ceux qui ont tué, parce qu'on dénombre jusqu'à présent 17 morts, peut-être que c'est plus, puisqu'il y a des gens qu'on ne sait pas, on n'a pas encore fini de faire le... et plus d'une centaine de blessés. Donc, ils puissent, tous ces gens qui sont impliqués là puissent répondre. Et que ça ne soit pas uniquement les militaires, peut-être qu'il y a des civils qui sont de connivence aussi, qu'ils puissent répondre. Du côté de Montréal, vous prévoyez des actions prochainement pour... Oui, du côté de Montréal, on était, ou du Canada entier, bon, tous les Burkinabés se sont sentis concernés par cette affaire. Et puis donc, l'unité, la défense de la patrie nous a beaucoup plus unis. C'est que, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc, on a manifesté le vendredi passé pour dire que non au coup d'État et qu'on voulait quand même que la transition réussisse. Et ensuite... il y a certains même qui sont partis passer une nuit à l'ambassade pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ce qui s'est passé. Donc le samedi, effectivement, on va faire il y aura une conférence où les gens vont venir témoigner, où nous allons avoir une plateforme revendicative pour les gens qui vont venir pour les nouveaux pouvoirs, pour dire voilà ce que nous voulons, comme ce que j'ai dit, l'impunité, et qu'il faut réellement un développement, parce qu'au niveau du Burkina, c'est une petite minorité qui s'est enrichie et qui détient tout le pouvoir, et la majorité n'a rien. Donc on veut vraiment proposer un développement et qui concerne tout le monde, et qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, et qu'au niveau de l'éducation, que les gens puissent aller à l'école, par exemple l'université est délaissée, qu'on puisse quand même s'intéresser à cette jeunesse qui a tant donné pour le pays. Donc, on invite les gens, bon, les Burkinabés qui nous écoutent et puis tous les panafricanistes à venir à l'UDM pour le samedi prochain à 16h30. Merci beaucoup. Nous allons prendre une pause. C'est Christine Paré qui était avec nous pour discuter de la conjoncture politique et sociale au Burkina Faso. Alors, merci beaucoup, Christine. Et merci de m'avoir invitée et puis de m'avoir donné l'occasion d'expliquer la situation au Burkina. Merci encore à Sekaïté, merci à Amandla et à Mélanie et aux autres. Burkina Faso. Alors, re-bienvenue à l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3, une émission que vous avez présentée tous les mercredis de 7h à 8h et que vous pouvez retrouver sur le web à ckut.ca/Amandla. Vous pouvez souscrire à notre fil RSS ou retrouver des informations sur l'émission. en ondes depuis 1987. Donc, on revient pour parler, pour poursuivre cette discussion sur la situation au Burkina. Alors, je suis toujours en compagnie de Christine Paré, qui est ici, et Mélanie Lamonde. Alors, on allait, Christine, si je peux peut-être, on peut intervenir là-dessus. Quelques mots sur la réaction de la France dans tout ce qui se passe au Burkina. En fait, est-ce que vous avez des éléments d'analyse sur la réaction de la France dans la situation actuelle? Bon, la France au début n'a pas tellement réagi comme à son habitude. Donc, c'est l'Union africaine et puis l'Union européenne qui ont réagi. Ouais. Et curieusement quand il y a 3 jours, donc au moment où la France s'est rendue compte que la population n'allait pas se laisser faire et que la CEDEAO a été dépêchée, bon, je ne sais pas si vous avez écouté, vous avez lu ce que la CEDEAO est venue faire. Donc la CEDEAO part peut-être avec des chefs d'État francophones qui sont les yeux et les oreilles de la France et qui sont des valets locaux. Donc c'est eux, ces gens-là comme Macky Sall et puis Yayi Boni qui sont venus et puis qui ont écouté seulement le Guingéré, bon, le putschiste, et qui leur a imposé ce qu'ils voulaient, donc soi-disant en 13 points. Donc il faut que l'amnistie, ce qui a révolté les gens davantage, donc réintégrer les gens de l'ancien régime qui avaient été suspendus, parce que dans notre constitution, on dit quelqu'un qui soutient un coup d'État, ou bien, bon, pas un coup d'État, mais quelqu'un qui soutient une modification de la constitution doit être suspendu. Donc, on les avait suspendus qu'ils ne participaient pas aux prochaines élections. Donc, Guingéré voulait ça. Oui. D'accord. On va, je crois qu'on a Jean-Marc au téléphone. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir, vous m'entendez maintenant? Oui, bonsoir, on t'entend très bien, pardon pour cette interruption. Donc, Jean-Marc, je ne sais pas si tu entendais un peu ce que Christine Paré est en train de dire. Bon, j'ai posé la question sur la réaction, ou plutôt on devrait peut-être dire la non-réaction de la France dans ce cas-ci, qui est peut-être un peu surprenante, parce que la France a plutôt l'habitude de répondre assez fortement. Oui, tout à fait. Elle a un peu développé. Elle a donné une indication dans ce qui se passe en ce moment avec l'implication de chefs d'État comme Thomas Yayi Boni du Bénin et Macky Sall du Sénégal, dont on sait que en général ils sont comme les missiles Dominici du Quai d'Orsay, c'est-à-dire que ils sont là pour transporter la position de la France. Mais en fait sur le terrain, c'est encore plus ce qui se passe sur le terrain. C'est une position qui est assez nébuleuse, assez étrange de la France. Le journal Le Quotidien Le Monde, le quotidien français Le Monde, a révélé notamment que c'est les forces spéciales françaises qui ont exfiltré le président de la transition, Michel Kafando, et qui l'a transporté donc à la résidence de l'ambassadeur de France. Ah, donc c'est là qu'il était logé. Ben oui, il était en résidence suivie dans une villa et on nous apprend, en tout cas c'est la presse française qui nous apprend, qu'il a été exfiltré par les forces spéciales françaises qui l'ont transporté donc à la résidence de France, c'est-à-dire la résidence de l'ambassadeur de France, Gilles Thibault, qui lui, l'ambassadeur de France, l'a confirmé d'ailleurs sur Twitter. Il a dit oui, je confirme qu'il est chez moi. Et donc c'est de là qu'il a été donc libéré. Imaginez donc, Gilles Thibault, c'est quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec Blaise Compaoré, c'est un proche de Blaise Compaoré. Imaginez une exfiltration qui n'a fait l'objet d'aucun affrontement, qui n'a fait l'objet même pas d'un affrontement, même verbal. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le général Gilbert Diendéré s'en prendre aux Français. Donc, c'est comme ça s'est passé comme d'un commun accord. Ça veut dire que la France est assez proche des putschistes. Et d'ailleurs, on le voit. On voit la complaisance extraordinaire des médias français, dont on dont on se souvient qu'ils ont été intraitables avec Muammar Kadhafi, avec Laurent Gbagbo. Mais subitement, avec le RSP, le président présidentiel, ils sont très plaisants. Ils l'appellent unité d'élite. Et puis, quand ils parlent du président Blaise Compaoré, ils disent jamais le dictateur. Ils disent c'est le président Blaise Compaoré. Et puis, c'est comme un honorable, un paisible citoyen burkinabé installé donc en Côte d'Ivoire qui ne demande qu'à prendre part à l'élection présidentielle dans son pays, oui. et qui est empêché, il n'est pas dictateur, il n'a pas été chassé du pouvoir, ce qui est vrai pour lui et qui n'était pas vrai, on s'en souvient pour Kadhafi. Mais pour lui, la presse française n'a jamais mentionné, et j'ai suivi attentivement RFI, France 24, TV5, ils n'ont jamais mentionné que c'est un dictateur qui a passé 27 ans au pouvoir, qu'il a tué Thomas Sankara, et que voilà, il essaye, et que ce régiment, c'est ce régiment qui est donc la garde prétorienne. Il le disait si bien, avec insistance, quand il s'agissait de la Jamaïra arabe libyenne, et subitement avec Compaoré, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Donc on imagine que il y a d'un côté le discours officiel de François Hollande qui a mis en garde les putschistes, mais qui d'un autre côté a annoncé que la France n'interviendrait pas, et on l'a vu intervenir pour exfiltrer, entre guillemets, Michel Kafando. Mmh. Donc c'est cette complaisance, ces contradictions, toutes ces choses qui font que on peut imaginer que, comme d'habitude, la France est assez proche de ces putschistes. Ça, c'est quand même... C'est une suite logique de ce qui s'est passé en octobre-novembre de l'année dernière, parce que François Hollande a confirmé lors de sa visite ici que c'est l'armée française qui a exfiltré donc Blaise Compaoré. Oui. Voilà, qu'il a exfiltré du Burkina Faso vers donc la Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé plus tard au Maroc, au Congo et partout. Oui. Et voilà, la presse burkinabé nous dit aussi à la fin que, voilà, nous donne une information que, d'une manière générale, c'est la France qui a toujours équipé, qui a toujours formé les éléments du régiment de la sécurité présidentielle, et que le mois passé, c'est les médias burkinabés qui nous le disent, le mois passé, le chef de ce corps, parce qu'il y a un chef de ce corps, le lieutenant-colonel Moussa Céleste Koulibaly, qu'il a été donc admis à l'école de guerre de Paris. Ça, c'était le mois passé. C'est quelqu'un, ce Moussa Céleste Koulibaly, c'est l'ancien aide de camp de Blaise Compaoré qui l'a accompagné au Maroc et en Côte d'Ivoire, et qu'il est revenu une semaine donc avant le coup d'État. Vous comprenez que c'est la position finalement de la France là-dedans est assez complexe, et extrêmement complexe et extrêmement étrange. Oui, d'accord. Alors, je rappelle qu'en studio ici, il y a Christine Paré et Mélanie Lamonde qui sont avec moi. Mélanie, je voyais une réaction à certaines choses que disait Jean-Marc. Je ne sais pas si tu veux intervenir. Non. Bon, oui, OK, Christine, je te laisse intervenir. Oui, bon, concernant et le rôle de la France, d'abord, rappelons que quand la CEDEAO est venue pour imposer ses conditions inacceptable pour le peuple burkinabé, qu'on a réagi. La France et Hollande a dit que bon, celui qui ne va pas se soumettre à cette médiation de la CEDEAO sera sanctionné. Donc ça, c'est déjà une prise de position. Mais quand il a vu que la réaction était très violente et qu'on n'allait pas se soutenir et que l'Union africaine a affirmé sa position, là, il y revient le lendemain en disant que bon, qu'il faut que les poursuivants déposent les armes sans condition. Donc, et ensuite, ce qu'il faut rappeler, c'est que Guinguéré a reçu la Légion d'honneur de la France. Mmh. Donc, c'est un pion de la France. Et tous les médias lui tendaient le micro. Et puis, alors que nous, qui étions dans la résistance, les gens qui étaient sur le terrain, les médias français ne leur donnaient pas la parole. Donc chaque fois c'était Guinguéré et puis on le présentait comme étant le plus intelligent, le gars qui était le plus informé, qui est indispensable et puis bon donc, mais nous il n'est pas indispensable pour nous. Donc c'est un pion de la France et puis ils ont voulu même cette médiation, cette situation où il est là, on s'est dit que c'est la France-Afrique qui a joué. Donc, mais c'est à nous, les Burkinabés, de nous en charger de lui et puis de le juger. Mm-hmm. Sinon, si ça ne tenait qu'à la France, on le laisserait comme ça. D'accord. Jean-Marc, on a posé cette question tout à l'heure à Christine Paré. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochaines années par rapport à cette situation? Ben, par rapport à cette situation, et Christine Paré, je crois qu'elle a un peu, elle a décrit, elle a un peu posé les perspectives d'avenir. Moi, je pense que par rapport à cette situation, c'est finalement le peuple burkinabé qui dirige d'une certaine manière la manœuvre. C'est le peuple burkinabé qui fait évoluer les positions de ce qui est entre guillemets, ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale. Nous, on a vu par exemple que le peuple burkinabé s'est levé comme un seul homme pour s'opposer au manque de fermeté des gens de la CDAO. Mm-hmm. Vous voyez que, et là, ça allait reculer. Et puis, vous voyez cet accord qui est applaudi par la France, cet accord qui a été signé sous l'égide du roi de Mossi, Lomogo Naba, c'est un accord qui, quand on lit les médias français qui l'applaudissent, c'est un accord qui accorde, qui donne plus d'oxygène au régiment de la sécurité présidentielle, parce que on demande à l'armée régulière qui est un chef d'état-major, mais dont on n'a jamais parlé dans les médias français, vous imaginez, qui a pris des positions claires et qui, n'est-ce pas, est du côté du peuple. D'accord. Donc, c'est un accord qui demande à l'armée, dont les positions dans les régions et qui ont quitté leur position pour venir, pour converger vers Ouaga, pour n'est-ce pas, complètement démanteler le régiment de la sécurité présidentielle. Et cet accord demande donc aux troupes de l'armée régulière de se mettre à 50 kilomètres du début du cantonnement, parce qu'on a demandé au régiment de la sécurité présidentielle de rester dans un cantonnement, de disparaître de la ville un peu entre guillemets, c'est-à-dire de céder tous les postes de garde dans la ville de Ouaga, et on leur a simplement donné un délai de 72 heures pour établir le point du matériel, du régiment de la sécurité présidentielle. Et en plus, on leur a accordé autre chose, c'est-à-dire que les forces de défense et de sécurité sont censées garantir la sécurité du personnel et des familles des gens du régiment de la sécurité présidentielle. Parce que vous savez que les manifestants burkinabés se sont dit, ben, ils ont beau être des gens du régiment de la sécurité présidentielle, ils ont des maisons. C'est-à-dire que ils font des exactions là-bas en public, mais nous, ils disent, on va les attendre chacun devant sa maison. Donc, alors, cet accord demande qu'on garantisse la sécurité de leur famille. Donc je dis que finalement ce qui va faire évoluer les choses, c'est qui va amener un dénouement, un véritable dénouement pour que, n'est-ce pas, la vraie transition continue, mais que ce soit pas une transition décidée par les putschistes. Je pense que il faudrait que les Burkinabés continuent de résister. D'accord. Et que ceux qui soutiennent les Burkinabés, qu'ils continuent donc de les soutenir, de l'aide, de résister, et de résister notamment à cette communauté internationale, entre guillemets, ces gens de la CEDEAO, qui sont en réalité un piège pour le processus de transition burkinabé. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, on se reparle bientôt, j'espère. Alors, je vais remercier encore une fois Christine Paré et Mélanie Lamonde qui sont avec moi en studio. Alors, on va revenir dans quelques instants avec la partie anglophone, la partie anglaise de l'émission, où on va revenir sur le lancement du livre de Yves Engler, où on parle du Canada, 300 ans d'implication canadienne en Afrique.